Eh bien, amis téléspectateurs, il y a exactement un an jour pour jour, que l'orchestre Zaïko Langalanga est passé sur nos antennes. L'orchestre Zaïko Langalanga, que je vous demande d'abord d'applaudir très fort. Mais, Ndenge Akokota Boye, moi, somme au mouké. Mais, Yipsa Nanongaï, pour la ligne de Bokoti Napous, crise de l'équipe Magas. Yomoko Ebit, toi qui vas chômer pendant 9 mois, bon, on va foutre un taxi, Zate. Le roi, la main, c'est ma vie, son égale. Toi, tu m'osika, le roi, la main, on va quitter. Tout ce qui est là, c'est que nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Bongo, si vous êtes bon na un bus, na avez un bus. Nanani na un bus. Vous avez un bus. Vous avez un bus. Vous avez 24 makuta. Na lobi, bouti mosika. Bouti mosika vie, likamoto yeli awa. Bango ba lobito ke ne pa ya vie to za mbongo te no kozwa mbongo no ipa na ye. Donc bo futa kiti ko li kambote ke ndo fanda kuna ba tuna biso ya gestion ba zela ba futa yo. On applaudit très fort. Le Zaïko Langalanga dans SOS. Oh, yeah, nini basusu basengaka basusu basomi basusu bakomela basusu bakomo aya tokei kosapela tozitela mokili yonse okanda mpa nzambe ekolela tolengela bomoi baseko ozali kokweyanga mpo nazanga mosolo nazanga mosolo mpo na mosolo amamaka amamaka iloba bakoma kosela basi ya bato boye azanga zipo amaka amamaka ibazanga libala mpo babokilo balobaki azanga mosolo mpo na mosolo amama amamaka vida, lolo la vida. Sous-titrage Société Radio-Canada.